J'ai vu dans le cœur du petit volet un cœur que mon père avait dessiné avec une scie et qui donnait pour moi tous les matins le signal du jour qui se levait. J'ai vu une dernière fois, petit à petit, le trou devenir gris foncé, puis de plus en plus pâle, jusqu'à ce que vers 6 heures, 6 heures et demie, il devienne tout blanc.